écrites à Paris de 1776 à 1778, année de la mort de Rousseau, et publiées 4 ans plus tard, ces rêveries, pour être mieux perçues, doivent être replacées dans leur contexte. En 1762, Rousseau publie le Contrat social. Je vous le présenterai plus tard, mais sachez dès maintenant que Rousseau, posant les principes d'une vraie démocratie, est bien loin des visées bourgeoises des autres philosophes du XVIIIe, dont Diderot, Grimm, Hume et Voltaire notamment. Toujours en 1762, il publie L'Émile, traité d'éducation, dont une partie, intitulée « Profession de foi du vicaire savoyard », bouscula sérieusement les religions catholiques et protestantes. La même année, en juin, à Paris et à Genève, le Contrat social et Émile sont condamnés à être lacérés et brûlés sur la place publique et Rousseau est poursuivi pour être emprisonné. Rousseau est alors chassé de ses asiles successifs par des haines religieuses et les manœuvres de ses anciens amis philosophes, Voltaire en tête, qui réclament pour Rousseau la peine capitale. Rien que ça. Rousseau doit donc se réfugier à Mautier, territoire du roi de Prusse, à 30 km de Neuchâtel, en Suisse. Mais, en 1765, la population de Mautier, ameutée contre Rousseau, lapide sa maison. Après un détour par l'île Saint-Pierre, objet de la cinquième rêverie, Rousseau se réfugiera en Angleterre avant de revenir en France continuer sa vie errante qu'il terminera à Paris. Pour se défendre des accusations portées contre lui, Rousseau écrira d'abord ses confessions, que je vous ai déjà présentées, complétées par ses dialogues, où Rousseau est le juge de Jean-Jacques. Après l'interdiction de lire en public ses confessions, Rousseau, persuadé que la société tout entière s'est liguée contre lui, est persuadé qu'on ne lui permettra même pas de transmettre aux générations futures une image exacte de sa personne et de sa pensée, trouve enfin l'apaisement dans la retraite et l'oubli des hommes et rédige pour lui-même les 10 promenades des rêveries dont voici maintenant les extraits choisis. Étant donné la longueur de cette introduction, pour situer l'ensemble de ces rêveries du promeneur solitaire, je ne citerai que rarement ces extraits.